Je suis heureux de reprendre contact avec vous, puisque, si vous le voulez bien, nous étudierons ensemble la vie d'un disciple du Seigneur. Et pas n'importe lequel de ces 12 que Jésus avait choisi pour l'accompagner pendant son ministère terrestre. Il s'agira de Pierre. Pierre le fougueux, l'impulsif, le meneur d'hommes. Pierre le caractère entier, qui savait toujours ce qu'il se voulait. Pierre l'homme prompt à promettre ou à proposer des solutions. Pierre le disciple, dont le baromètre moral indiquait soit le beau fixe, soit la tempête. Pierre que j'aime rencontrer dans le récit biblique, parce qu'avec lui, je suis en pays de connaissance. En lui, je me reconnais, puisque dans son attitude et ses paroles, je retrouve mon tempérament, et que dans ses défauts, je retrouve les miens. Et malgré tout, Pierre a été puissamment employé par son Seigneur pour le salut de milliers d'âmes. Pierre a marqué sa génération. Aussi, son exemple m'encourage, et les paroles qu'il nous a laissées dans le Nouveau Testament fortifient ma foi. Si Pierre est toujours cité le premier dans les différentes listes d'apôtres figurant dans le Nouveau Testament, il n'a pourtant pas été le premier des 12 à connaître Jésus. Son frère André, probablement plus jeune que lui, l'avait précédé. D'abord, André avait suivi Jean-Baptiste avec l'un de ses camarades. Mais quand Jean-Baptiste leur avait annoncé Jésus, les deux avaient quitté Jean-Baptiste pour suivre Jésus, car ils avaient reconnu en lui le Messie que tout Israël attendait. J'ai résumé brièvement ce que nous lisons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, versets 35 à 39. Est-ce étonnant alors qu'André ait voulu faire part de sa découverte à son frère Simon? Nous lisons, Évangile selon Jean, chapitre 1er, versets 41 à 42. André rencontra son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Et il le conduisit vers Jésus. Le Nouveau Testament nous parle peu du disciple André. Mais à chaque occasion, il nous le montre introduisant quelqu'un auprès du Seigneur. En Jean chapitre 6, André amène à Jésus le jeune porteur de pain. Un acte apparemment insignifiant, mais d'où découlera un miracle extraordinaire. 5000 personnes rassasiées dans un lieu désert. En Jean chapitre 12, André amène à Jésus des Grecs qui désirent le voir, ce qui donnera au Seigneur l'occasion de prêcher à la foule. Ici, au premier chapitre de l'Évangile selon Jean, André parle de Jésus à son frère. Et quelles conséquences glorieuses résulteront de ce simple témoignage si l'on songe à ce que l'apôtre Pierre est devenu par la suite. Chers auditeurs, vous aussi, vous avez un frère, une sœur, des parents, des voisins, des collègues d'atelier ou de bureau à qui vous n'avez peut-être jamais parlé de Jésus. Pourquoi vous taisez-vous et négligez-vous de transmettre autour de vous la bonne nouvelle, le message sensationnel de l'Évangile? André aurait pu hésiter à parler de Jésus à son frère. Ne le connaissait-il pas, ce frère réputé pour son sale caractère? Ah! Si vous attendez que vos interlocuteurs soient parfaits pour leur annoncer l'Évangile, vous ne le ferez jamais. Et nous-mêmes, n'avons-nous pas aussi notre sale caractère et nos défauts? Cependant, la grâce de Dieu va au-delà de nos défauts, et c'est pourquoi il y a espoir pour chacun, comme il y avait espoir pour Pierre. Il est temps de lire maintenant la suite du récit. Reprenons à Jean 1, 41. André rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie « Christ ». Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie « Pierre ». Dans cette première parole dite par le Seigneur à Pierre, je relève deux affirmations qui sont particulièrement encourageantes pour nous. Ces deux affirmations se situent au verset 42. « Tu es, tu seras. » Le Seigneur sait ce que nous sommes, mais il voit d'emblée ce qu'il veut faire de nous. C'est comme s'il avait dit à Pierre, « Tu es Simon, avec toutes les caractéristiques de ton tempérament et de ta nature fougueuse. Mais tu deviendras Pierre, l'apôtre Pierre, une pierre vivante dans mon église et un précieux instrument dans mes mains. En outre, je te chargerai d'une mission spéciale, puisque c'est toi qui, au jour de la Pentecôte, ouvriras la porte de la foi aux Juifs comme c'est toi qui l'ouvriras aux païens lorsque tu te rendras dans la maison de Corneille. Tu es, tu seras. Derrière ce micro, je ne vous vois pas, cher ami qui venez d'ouvrir votre transistor, mais j'aimerais que vous vous sentiez personnellement interpellé par ces mots « tu es, tu seras ». Vous êtes, vous serez. Ne vous découragez pas en songeant à ce que vous êtes. Regardez par la foi à ce que le Seigneur Jésus fera de vous. Peut-être aura-t-il beaucoup à faire en vous, mais il fera de vous un jour, si vous y consentez, un serviteur ou une servante du Dieu vivant, un témoin du salut parfait en Christ, un porteur de l'Évangile autour de vous d'abord, puis, pourquoi pas, jusqu'au bout du monde. Le célèbre sculpteur italien Michel-Ange se trouvait un jour dans une carrière lorsqu'il aperçut un bloc de marbre. Sans hésiter, il dit à l'un de ceux qui l'accompagnaient « Apportez cet ange dans mon atelier ». Étonné, son serviteur répondit « Maître, où avez-vous vu un ange ?»« Là, » dit Michel-Ange en montrant le bloc de marbre. Dans ce bloc informe et apparemment inutilisable, le maître sculpteur avait vu par avance l'œuvre d'art qu'il allait en tirer. Exactement comme Jésus-Christ, lorsqu'il pose son premier regard sur nous. Il voit ce que nous sommes, mais il aperçoit aussi par avance ce qu'il veut faire de chacun de nous. Il connaît nos caractères, cependant, il sait ce qu'il peut faire de nous malgré tout, car il dispose de ressources inépuisables pour nous transformer. L'apôtre Paul disait « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1, 6. Alors, faisons confiance à celui qui n'abandonne jamais ce qu'il a entrepris, parce qu'il veut que son œuvre soit parfaite en nous. Revenons au disciple Simon-Pierre, voulez-vous ? Nous le retrouvons, si nous ouvrons le Nouveau Testament dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, à nouveau en compagnie de son frère André. Le cadre n'est plus le même. Ils sont dans leur barque, sur le lac de Tibériade, en train de pêcher. Lisons Matthieu 4, versets 18 à 19. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » À nouveau, le Seigneur se révèle à Pierre et à André, son frère. À nouveau, il s'engage d'accomplir son œuvre en eux. « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » C'est le Seigneur qui agit en nous. Nous n'avons pas à porter le souci de nous transformer nous-mêmes ou de nous améliorer à coup de bonnes résolutions, de promesses ou d'efforts propres. L'apôtre Paul écrivait « Celui qui vous a appelé est fidèle. » Et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 24. Notre part, c'est d'obéir et de faire confiance au Seigneur qui, lui, se charge de faire de nous des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire des gagneurs d'âmes, des témoins du salut en Christ. Obéir, pas toujours facile, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas ce mot, et moi non plus. Cependant, Pierre et André ont obéi. « Suivez-moi, avait dit le Seigneur. » Ils ont suivi le maître. Ils l'ont suivi immédiatement, sans attendre. Nous lisons Matthieu 4, 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Oui, ils ont tout lâché pour suivre Jésus. Tout de suite, aussitôt, sans tergiverser. Ah, quel exemple! Que de jeunes appelés par le Seigneur ont leurs bras ou leurs mains prisonniers de filets accrocheurs, à moins que ce soit leur pensée ou leur esprit qui se soit emmêlé dans les filets des philosophies humanistes en vogue. Que de chrétiens hésitent, calculent, raisonnent avant d'obéir, et que de précieuses vies sont ainsi gâchées. Nous retrouverons Pierre. Cette fois, il répondra personnellement à l'appel du Seigneur. Vous pouvez lire d'avance ce récit au chapitre 5 de l'Évangile selon Luc. Je reviens à cette phrase de Matthieu 4, 20. « Aussitôt, ils laissèrent les filets » et le suivirent. Jeune homme, jeune fille, chrétien d'âge mûr, y a-t-il un filet qui vous tienne, qui vous entrave, qui vous paralyse, qui vous empêche de répondre à l'appel du Seigneur? ne tardez pas, n'hésitez plus, décidez-vous. Abandonnez ce qui vous retient, ce qui vous tient, afin que ce soit Jésus-Christ qui vous tienne. Avec lui, vous serez toujours gagnant, alors que sans lui, vous serez toujours perdant. Jésus a dit, « Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de l'Évangile, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement. » Marc 10, 29 à 30. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Aussitôt, c'est maintenant. Voulez-vous répondre à son appel? Que celui qui a appelé Pierre et André il y a 20 siècles se révèle tout à nouveau à vous comme sauveur, comme seigneur et comme maître, et qu'il vous bénisse comme jamais il ne l'a fait auparavant.